Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ce qu'on dit, mais pourquoi cette expression ? Se vérifie-t-elle tout le temps ? Et si une simple petite hirondelle partie en Afrique pour passer l'hiver au chaud bousculait le fameux dicton en rejoignant plus tôt que prévu un enfant devenu son ami ? Toute l'année, dans le Happy Meal, découvrez la collection de livres pour enfants « Il était un dicton » écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. En ce moment, une hirondelle ne fait pas le printemps ou deux autres livres au choix. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment en restaurant. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Le décès, le sixième épisode de la saison 2 d'Un été incroyable. Bonne écoute. Ce jour-là, on rentrait plus tôt que d'habitude de notre journée à la plage. Mamie nous avait promis de nous préparer sa fameuse tarte aux pommes pour le goûter. Propulsés par leurs estomacs, Arthur et Iliès se ruèrent sur leur vélo, mais s'immobilisèrent subitement, sans raison apparente. Besoin de reprendre votre souffle ? C'est pas ça. C'est les gens sur la promenade. Ils font une de ces têtes. Malgré un soleil radieux, tout le monde avait un sourire au mieux de travers, au pire à l'envers. Les vieux, d'habitude si joyeux, semblaient plus tristes que les pierres. Aucun de nous trois n'osa demander ce qui se passait. Mais la même idée nous passa par la tête à Iliès et à moi. Et si mamie était dans le même état qu'eux ? On pédala comme des fous, si vite qu'Arthur avait du mal à nous suivre. On trouva mamie sur la terrasse, assise dans son fauteuil en osier préféré. Celui qu'elle utilise pour tricoter, sauf qu'il n'y avait ni aiguille, ni pelote à l'horizon. Et encore moins une tarte aux pommes sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Un courant d'air souffla dans le creux de mon estomac. Arthur et Iliès frissonnèrent. On s'approcha à pas de loup, des loups qui auraient les oreilles et la queue basse. « Mamie ?» Elle sursauta et se retourna. Ses yeux étaient humides. D'un sourire, elle essaya de lutter contre les tremblements de sa lèvre du bas. « Oh, mes poussins, oh, je suis désolée, j'ai totalement oublié de vous faire votre tarte. Mais c'est pas grave, mamie. Je vais vous préparer un petit quelque chose. » Elle prit appui sur l'accoudoir, essaya de se lever mais n'y arriva pas. Pire, elle se ratatina complètement. « Oh, non, je crois que vous allez devoir vous débrouiller tout seul pour ce goûter. » On s'en fichait totalement du goûter. Iliès articula difficilement sa question. « Il s'est passé quelque chose ?» Mamie renifla. Ses yeux fuyaient, mais lorsqu'ils se posèrent sur Arthur, ses rides firent des vagues. « Papistoire est parti. » « De l'hôpital ou de la vie ?»« De la vie. » « C'est impossible !» Après qu'on est allé le voir, il allait mieux. Son vieux cœur n'a pas tenu le coup. Il nous a quittés en début d'après-midi. Arthur s'effondra, la bouche grande ouverte, incapable de sortir le moindre son. Iliès essuya ses larmes dans sa manche. Moi, j'ouvris grand les yeux pour ne pas laisser s'échapper les miennes. Notre peine donna assez de force à mamie pour se lever et nous enlacer tous les trois. Sa peau et son odeur de lavande me réconfortèrent un peu. Arthur, lui, restait inconsolable. Je suis sûre que là où il est, il deviendra le plus grand conteur pour faire rêver tous ceux qui rejoignent l'au-delà. Il va me manquer. Oh, à nous tous, mon chéri. Dites, les copains, je peux rester avec vous ce soir ? Bien sûr. Pour nous changer les idées, mamie nous proposa de l'aider à faire la tarte aux pommes. On éplucha les fruits tous les trois, tandis qu'elle préparait la pâte. Puis on joua au Kems, au domino, au ni oui ni non. Et au détour d'une question, Papistoire refit surface. On se remémorait les meilleurs moments que l'on avait passés à l'écouter sur la place du village, lorsqu'on sonna. Personne ne sonnait jamais chez mamie à une heure aussi tardive. Elle alla ouvrir, un sourcil levé. C'était Monsieur Tapage, le libraire du village. « Marc, mais que faites-vous ici ?» Je suis passé chez Arthur et son papa m'a dit qu'il était ici. Anatole voulait que je lui remette ceci. Il tenait un vieux carton couvert de gribouillage. Arthur se leva et fixa Monsieur Tapage comme on fixe un fantôme. Il m'a dit que tu saurais en faire bon usage. D'accord. Arthur prit le carton. Il resta planté, là, à le contempler. Je vais vous laisser. Bonne soirée. Merci. Rentrez bien. Lorsque mamie referma la porte, Arthur ne bougea pas d'un millimètre, totalement absorbé par le mystérieux carton qui intriguait Iliès et piquait ma curiosité au vif. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Des mots en pâte de mousse et des petits dessins, ça veut rien dire. Ce sont peut-être juste des décorations. Tu veux pas regarder ce qu'il contient? Si, bien sûr. Il posa le carton sur la table du salon. L'excitation était palpable. Arthur l'ouvrit le plus délicatement possible et nos yeux s'écarquillèrent tellement que le monde entier aurait pu rentrer dedans. Ce sont ces carnets. Tous les carnets de papy-histoire. Il y en a au moins 50. Mais pourquoi il me les a donnés? Pour être son successeur. C'est logique après tout. Tu lui as dit que tu voulais devenir conteur. On connaît personne d'autre aussi passionné par les légendes que toi. Je sais pas s'il serait à la hauteur. Bien sûr que tu le seras, et peut-être même plus, si tu nous lisais une de ces légendes. Un sourire s'accrocha entre les oreilles d'Arthur. Il ferma les yeux, prit un carnet au hasard, fit tourner les pages et s'arrêta. Tout au fond de la forêt se trouve une toute petite maison si bien camouflée par la végétation que personne ne peut la voir. C'est le refuge du réparateur de rêves. Un drôle de petit bonhomme, vêtu d'habits couleur nuit, qui ne sort de chez lui que lorsqu'un habitant du village n'arrive pas à trouver le sommeil. Il se faufile alors chez le malheureux, et à l'aide de poussière d'étoiles, se glisse dans ses rêves. Après une inspection soigneuse, il sort de ses poches son couteau suisse multitout et une bobine de fil de soleil pour effectuer les réparations. Une fois sa mission remplie, il s'éclipse, laissant à son patient le bonheur de profiter d'une belle nuit de sommeil. On était conquis par le récit. À notre demande, Arthur enchaîna, toujours en choisissant une légende au hasard. Dragon de la rivière, nuage perdu, chevalier des plantes. Les légendes de papy-histoire racontées par Arthur nous transportèrent pendant des heures jusqu'à ce qu'ils se mettent à bâiller et que l'on aille tous se coucher. Le lendemain, Arthur bondit de son lit et nous réveilla en sursaut. J'ai une idée. Comme ça, au saut du lit. Oh, je sais pas comment tu fais. Grâce à mon rêve, c'était génial. Il y avait une journée d'hommage à papy-histoire. Et dans les rues, sur la promenade, au parc, il y avait une sorte d'exposition avec tous les dessins et les légendes de papy-histoire. Ce serait trop génial si c'était vrai. Oh, mais j'y compte bien que ce soit vrai. Ça vous dit carrément? On déboula sur des ressorts dans la cuisine. Tout en engloutissant notre petit-déj, on exposa notre envie à mamie. Quelle riche idée! Oh, je vais en parler au maire! 5 minutes plus tard, sa voiture démarrait. De notre côté, avec Iliès et Arthur, on éplucha tous les carnets, marquant d'un post-it nos préférés. Chaque légende était illustrée de dessins qui ne manquaient pas de nous décrocher la mâchoire. Notre lecture nous absorba et la sonnerie d'un téléphone nous fit bondir. C'était mamie. Monsieur le maire est ravi et vous ne connaissez pas la meilleure. Son gendre est imprimeur et il a accepté de nous aider. On hurla de joie. Il y avait tellement à lire qu'on eut besoin de 2 jours entiers pour faire notre sélection. On finit si épuisé qu'on avait l'impression d'avoir couru un marathon de mots. En contemplant les carnets gonflés de post-it, une idée fusa. Et si on affichait sur une carte tous les lieux concernés par les légendes? Mais oui, comme ça les gens pourront aller les voir. On passa voir Monsieur le maire avec mamie et tous les 5, on décida où devaient être exposées les légendes. Comme dans le rêve d'Arthur, les rues, la promenade, le parc, la place du village furent toutes désignées. Après ça, on se rendit tous chez l'imprimeur. Il y avait plus de 100 histoires et leurs dessins à mettre en valeur. C'était une sacrée mission, mais elle ne lui fit pas peur. 3 jours plus tard, un convoi de camionnettes chargées de légendes arriva devant la mairie. Tout le village était là. Tous les habitants s'étaient passé le mot et voulaient aider à mettre en lumière les trésors de papy-histoire. Arthur fut tout remué par cette mobilisation. À la tombée de la nuit, tout était accroché. Des sourires et des larmes de fierté se disputaient sur tous les visages. « On l'a fait. Si seulement il pouvait voir ça. »« En plein jour, ça va être extra. »« Vivement demain !» Le lendemain, on rejoignit Arthur chez lui. Des pieds à la tête, il était habillé en vert, la couleur préférée de Papistoire. Il rayonnait. Mais à mesure qu'on approchait de l'église, un nuage de doute éclipsa le sourire d'Arthur. Il devint tout pâle et se trifouilla les doigts. En croisant mon regard, sa langue se délia. « Vous croyez que ça va bien se passer ?»« Ton projet a redonné le sourire à tout le village. Ça ne peut qu'aller. Cette journée va être mémorable. » Et elle le fut. La cérémonie à l'église fut pleine d'émotions. Tout le monde avait un message d'hommage pour Papistoire. Mais le plus extra fut ce qui se passa après. Les rues du village devinrent noires de monde. Dans toute la région, tout le monde s'était passé le mot. Une exposition légendaire avait lieu dans un petit village de bord de mer. Des larmes inondèrent le visage d'Arthur, mais cette fois, elles n'avaient rien de triste. On venait de réaliser quelque chose de fou. En voulant lui rendre hommage, on avait réussi à inscrire Papistoire dans la légende. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.